fils ingrat, le voici, c'est Guillaume. Ça va les amigos? Ouais. Alors, bon, on est lundi, je sais, on dirait pas comme ça. Ce matin, il y a une lumière qui fait très mercredi, je trouve, ce matin. C'est vrai que c'est une lumière de mercredi. En plus, on est lundi 11 novembre, donc déjà bonne fête aux obus et au matériel de guerre, tout ce qui est baïonnette, casque en pointe, un peu de respect. Mais soit, on est le 11 novembre, figurez-vous, c'est la Saint-Martin, qui dit Saint-Martin, dit Martin. Martin, Jacques Martin, Jacques Martin, télévision, télévision, technologie. Et j'avais justement envie de parler de technologie ce matin. C'est assez fou parce que c'est des coïncidences. C'est bon enchaînement, toi. C'est des coïncidences. Tu te dis, mais est-ce qu'on est si seul dans l'univers? Est-ce qu'il n'y a pas finalement un grand horloger qui te distribue les cartes et qui te dit, alors, ton intro, elle est pas ouf, enchaîne. Peut-être. En attendant. J'ai lu que Samsung mettait déjà le paquet en ce moment sur la technologie Wicca. Alors, la technologie Wicca, à ne pas confondre avec la technologie Wibus. Je viens de Belgique, hein, on prononce pareil. Wicca. Oui, oui. Donc, et oui, pardon. Mais vous voyez ce que c'est la télé Wicca ou pas? Non. Non. Alors, télé Wicca, c'est plus net que la télé 4K, évidemment, mais c'est 16 fois la résolution d'une télé Full HD. Vous avez déjà vu une télé Full HD? Oui. On voit bien. Hein. Ouais. On voit vraiment bien. L'autre jour, je regardais Cache Investigation, ça, j'avais l'impression qu'Élise Lucet était vraiment là, quoi. Elle me faisait, vous allez tout me dire, j'étais là, désolé, Élise. J'étais de la distraction. Franchement, j'ai passé ma soirée à déclarer ce que je devais au fisc et tout. Heureusement que sur Inter, c'est pas des grosses sommes, quand même. Mais Élise, je la voyais tapis dans un coin de l'écran, insatisfaite. Bref, et à un moment, c'est impressionnant, la télé Full HD. D'où question, est-ce qu'on pourrait pas se dire que là, c'est bon, la télé, c'est assez net, quoi. Enfin, je veux dire, en plus en 2019, c'est quoi la télé en 2019? Dans les grandes lignes, c'est 40% d'images de Nagui déjà et 60% de reportages en immersion avec la BAC d'Antibes. Tu vois vraiment? Il est 6h du matin, la police en profite pour lancer une perquisition. Trouvera-t-elle quelque chose chez l'ancien animateur préféré des Français? Est-ce qu'on a besoin pour un Nagui encore mieux? Vraie question. Nagui, moi je le vois en vrai une fois par semaine, je mettrais bien du plasma entre nous, je peux te dire, et c'est pas qu'une question d'haleine. Hein. À un moment, Sapiens, il pourrait se dire, c'est bon! On voit bien, c'est bien la télé, non? Parce que pendant 10 ans, tu sais quoi, bien, on utilise le cerveau des ingénieurs pour régler des trucs plus importants, quoi. Je sais pas, le plastique dans les océans, le climat, le cancer. Imagine, t'es dans ta chambre d'hôpital, c'est ta 9e chimio, t'en peux plus, t'espères que la médecine va progresser. Là, t'allumes la télé et tu vois un robot teckel qui fait du breakdance. Avec deux chercheurs qui font à 100 000 $ près, on lui faisait faire des cannelloni. Alors, super! Trop bien! Ça va parce que c'est en 8K, tu vois. Waouh, on voit trop bien comment je vais mourir. Non, mais vraiment, sérieux, on a des gens brillants sur le plan analytique qui pourraient être plus utiles à l'espèce qu'en construisant des téloches, quoi. C'est vrai, je vous le dis, si on doit compter sur moi pour une solution contre le cancer, on n'est pas dans la merde, je peux dire. Docteur Ernesto, qu'est-ce que je dois faire pour mon lymphome? Je sais pas, 5 fruits et légumes par jour. Si c'est possible, un supplément salade dans votre kebab. Merci docteur. Non, je sais pas. Je mélange tout, les deux visuels, la robotique, la médecine, je mélange tout, mais c'est férié aujourd'hui, vous avez le temps de faire le tri, démerdez-vous. Et là, de toute façon, on va avoir la 5G en France bientôt, c'est génial. C'est génial. Qui n'a jamais rêvé de télécharger 16 gigas de porno dans le RERC? Voilà, parfois ton voisin, il a pas envie de parler avec toi, t'es obligé de t'occuper. Mais la 5G, c'est bon, quoi. Maintenant, on l'installe partout dans le monde, puis on arrête pendant 10 ans, tu vois. Parce que là, dans 2 ans, il y a Apple qui va faire, oui, mais c'est la 6G. La 6G, ça, c'est la révolution qu'on attendait tous. Par contre, ça fonctionne pas sur l'iPhone 13, il faudra acheter l'iPhone 14. Il a 2 700 € plus 160 pour les nouveaux chargeurs et de nouveaux écouteurs. Putain, et ça dénonce, hein, t'as vu quoi? Ça dénonce, on voit pas bien, bonjour, ça dénonce. En attendant, je suppose qu'il y a des ingénieurs qui sont déjà sur la 7G, et c'est sûrement formidable, mais j'ai qu'un conseil à leur donner, un supplément salade dans le kebab. Bonne émission. Merci Guillaume. France Inter, Nagui, la bande originale.